Chapitre 3. Le festin dans la forêt. Qu'on boute du vin en la tasse, sommelier, qu'on en verse tant, qu'il se répande dans la place, qu'on mange, qu'on boive d'autant. Ronsard, Aude. Qu'allait-il se passer dans la troupe de l'Aztèque rossée, meurtrie, pillée et abattue? Le braque, après tout, s'en fichait, et son armée aussi. On avait la victoire, on avait fait 6 prisonniers. Jamais ça ne s'était vu depuis des temps et des temps. La tradition des hauts faits de guerre, religieusement conservée et transmise, ne signalait, l'Acrique s'en portait garant, aucune de ces prises fabuleuses et de ces rossées fantastiques. Le braque pouvait se considérer comme le plus grand capitaine qui eût jamais commandé à Longeverne, et son armée comme la phalange la plus vaillante et la plus éprouvée. Le butin était là en tas. Amas de boutons et de tresses, de cordons et de boucles, et d'objets hétéroclites très divers, car on avait fait main basse sur tout ce que renfermaient les poches, les mouchoirs exceptés. On voyait de petits os de cochon percés au milieu, traversés d'un double cordon de laine, qui faisait en se déroulant et se déroulant, tourner en frondonnant l'osselet. On appelait ce joujou un fredeau. On voyait aussi des billes, des couteaux, ou pour être plus juste, de vagues lames mal emmanchées. Il s'y trouvait également quelques clés de boîtes de sardines, un père lacolique en plomb accroupi dans une posture intime, et des tubes chalumeaux pour lancer des poids. Tout cela, entassé pêle-mêle, devait aller grossir le trésor commun ou serait tiré au sort. Mais le trésor, du coup, serait certainement doublé. Et c'était le surlendemain qu'on devait justement payer au trésorier la seconde contribution de guerre. La première idée de Lebraque lui revint à l'esprit. Si on employait cet argent à faire la fête. Comme il était homme de réalisation, il s'enquit immédiatement auprès de ses soldats des sommes que pourrait récupérer le trésorier. « Qui c'est qui n'a pas son sou pour payer l'impôt de guerre ?» Personne ne dit mot. « Tout le monde a bien compris. Levez la main, ceux qui n'ont pas leur sou d'impôt. » Aucune main ne se leva. Un silence religieux planait. Était-ce possible? Ils avaient tous trouvé le moyen d'acquérir leur rond. Les bons conseils du général avaient porté leurs fruits. Aussi félicita-t-il chaudement ses troupes. « Vous voyez bien que vous n'êtes pas si bêtes que vous croyez, hein? Il suffit de vouloir, on trouve toujours. » Mais il faut pas être une nouille, pardine, sans quoi on est toujours roulé dans la vie du monde. Ici dedans, fit-il en désignant les dépouilles opimes, il y en a au moins pour 40 sous de fourbis. Eh ben mes petits, puisqu'on a été assez courageux pour le conquérir avec nos poings, il n'y a pas besoin de dépenser nos sous à en acheter d'autres. Nous allons avoir demain 45 sous. Pour fêter la victoire et prendre le chat de la construction de la cabane, on va faire la bringue tous ensemble jeudi prochain après-midi. Qu'en dites-vous? Oui, oui, oui, bravo, bravo, c'est ça! Crièrent, beuglèrent, hurlèrent 40 voix. C'est ça, vive la fête, vive la noce! Et maintenant, à la cabane, reprit le chef. Tatin, passe-moi ton béret que je l'emplisse de butin pour le joindre à notre cagnotte. Il n'y a plus personne là-bas? Questionna-t-il en désignant la lisière du bois de Vellerand. Camus grimpa au chêne pour s'en assurer. Penses-tu? Fit-il au bout d'un instant d'examen. Après une pareille tatouille, ils ont filé comme des lièvres. L'armée de Longeverne rejoignit à la cabane Boulot, Gambette et Lamarie, qui s'apprêtaient à partir. Le blessé, qui avait abondamment saigné, avait le nez tout bleu et enflé comme une pomme de terre. Mais il ne se plaignait pas trop tout de même, songeant au nombre de tignasses crêpées par ses doigts et à la quantité respectable de coups de poing qu'il avait équitablement distribués de côté et d'autre. On s'arrangea pour raconter qu'en courant, il était tombé sur une bille de bois et qu'il n'avait pas eu le temps de porter les mains en avant pour protéger sa face. Jeudi, il serait guéri. Il pourrait faire la fête avec les autres. Et comme c'était lui qui avait, en l'occurrence, été le plus malmené, on lui revaudrait ça en nature à l'heure du partage des provisions. Le lendemain, Lebraque et Tintin, ayant perçu l'argent, discutèrent avec les camarades de la façon dont on devrait l'employer. On fit des propositions. Du chocolat. Tout le monde était d'accord pour cet achat. Comptons, fit la crique. La tablette de 10 raies coûte 8 sous. Il en faut à chacun un assez gros morceau. Avec 3 tablettes, 30 raies, on en aura chacun plus d'une demi. « Oui, » reprit-il après calcul. « Ça fera juste 2/3 de raie à chacun, c'est très bien. On le mangera comme ça, sec ou avec son pain. 3 tablettes à 8 sous, ça fait 24 sous. De 45, il restera 21 ronds. Qu'est-ce qu'on va acheter avec ? Des croquets ? Des biscuits ? Des bonbons ? Des sardines ? Nous n'avons que 21 sous, » souligna le braque. « Faut acheter des sardines, » insinua Tintin. « C'est bon les sardines. » Ah, tu sais pas ce que c'est, Gurias. Eh ben mon vieux, c'est des petits poissons sans tête, cuits dedans une boîte en fer blanc, mais tu sais, c'est salement bon. Seulement, on n'en achète pas souvent chez nous parce que c'est cher. Achetons-en une boîte, voulez-vous? Il y en a 10, 12, même 4 fois 15 par boîte. On partagera. Ah oui, que c'est bon! Renchérit Tigibus. Et l'huile aussi, mes amis. Moi, ce que je l'aime, l'huile de sardine. Je relèche les boîtes quand on en achète. C'est pas comme l'huile à salade. On vota d'enthousiasme l'achat d'une boîte de sardines de 11 sous. Restait 10 sous de disponibles. La crique, en le faisant remarquer, crut devoir ajouter cet avis. On ferait bien de prendre quelque chose qu'on puisse partager plus facilement et dont on aurait plusieurs morceaux pour un sou. Les bonbons s'imposaient. Les petits bonbons ronds et aussi la réglisse en bois qu'il faisait si bon sucer et mâcher en classe derrière le paravent des pupitres ouverts. « Partageons donc !» conclut le braque. « 5 sous de bonbons, 5 sous de réglisse en bois. C'est réglé comme ça. Mais c'est pas tout, vous savez. Il faudra chiper des pommes et des poires à la cave. On fera aussi cuire des pommes de terre. Camus fera des cigares de veille. Faudra boire aussi !» déclara Grangibus. « Si on pouvait avoir du vin et de la goutte, du cassis, du sirop, de la guernadine, c'est bien difficile. Je sais où qu'est la bonbonne de goutte à la chambre haute, » fit le braque. « S'il y a moyen d'en prendre un maillet, à pas peur on en aura, mais du vin à bernic. Et puis, on n'a pas de verre. Faudra au moins avoir de l'eau dans quelque chose. Il y a des casseroles là-bas, c'est pas assez grand. Si on pouvait avoir un petit tonneau ou même un vieil arrosoir. » Un arrosoir. Il y a le vieux de l'école qui est au fond du colidor. Si on le chipait, il y a bien un trou au fond et il est plein de poussière. Mais c'est pas une affaire. On bouchera le poutu avec une cheville et on récurera le fer blanc avec du sable. Ça y est-il? Oui, acquiesça le braque. C'est une bonne idée. À 4 heures ce soir, je suis de balayage. Je le foutrai derrière le mur de la cour en venant vider le chenil. Le soir, à la nuit, je viendrai le prendre et j'irai le cacher en attendant dans la caverne du tilleul. On le récurera demain. Pour les achats, voici comment il faudra faire. Moi, j'achèterai une plaque de chocolat. Grangibus une autre, Tintin la troisième. La crique ira chercher les sardines, Boulot les bonbons et Gambette la réglisse. Personne pourra se douter de rien. On portera tout le fourbi à la cabane avec les pommes et les patates et tout ce qu'on pourra rabioter. Ah, j'oubliais, du sucre. Tâchez de chipper du sucre pour manger avec la goutte, si on en a. On fera des canards. C'est facile à prendre du sucre quand la vieille tourne le pied. Aucune de ces excellentes recommandations ne fut oubliée. Chacun s'était chargé d'une tâche particulière et s'appliquait à la remplir consciencieusement. Aussi, le jeudi après-midi, le braque, Camus, Tintin, Lacrique et Grangibus, lesquels avaient pris les devants, reçurent-ils leurs camarades qui arrivaient l'un après l'autre ou par petites bandes avec les poches garnies et bourrées, mais bourrées à taper. Eux, les chefs, avaient aussi des surprises à faire à leurs invités. Un feu clair, dont la flamme montait à plus d'un mètre de haut, emplissait la cabane d'une clarté chaude et faisait chatoyer les couleurs violentes des gravures. Sur la table rustique, où des journaux étendus remplaçaient la nappe, les provisions achetées en bel ordre s'alignaient. Et derrière, ô joie, ô triomphe, 3 bouteilles pleines, 3 bouteilles mystérieuses, dérobées à coups de génie par les gibus et par le braque, dressaient leurs formes élégantes. L'une renfermait de l'eau-de-vie, les deux autres, du vin. Sur une sorte de piédestal de pierre, l'arrosoir récuré, neuf, dont les cabossures brillaient, brandissait en avant son goulot poli qui déverserait une eau limpide et pure puisée à la source voisine. Des tas de pommes de terre pétaient sous la cendre chaude. Quelle belle journée! Il avait été entendu qu'on partageait tout, chacun devant seulement garder son pain. Aussi, à côté des plaques de chocolat et de la boîte de sardines, une pile de morceaux de sucre monta bientôt, que la crique dénombra avec soin. Il était impossible de faire tenir les pommes sur la table, il y en avait plus de 3 doubles. On avait vraiment bien fait les choses, mais ici encore le général, avec sa bouteille de goutte, battait tous les records. « Chacun aura son cigare !» affirma Camus, désignant d'un geste large une pile régulière et serrée de bouts de clématite, soigneusement choisie, sans nœud, lisse, avec de beaux petits trous ronds qui disaient que cela tirerait bien. Les uns se tenaient dans la cabane, d'autres ne faisaient qu'y passer. On entrait, on sortait, on riait, on se tapait sur le ventre, on se fichait pour rire de grands coups de poing dans le dos, on se congratulait. « Ben mon vieux Sabiche, crois-tu qu'on est des types, hein? Ce qu'on va rigoler !» Il était entendu que l'on commencerait dès que les pommes de terre seraient prêtes. Camus et Tigibus en surveillaient la cuisson, repoussaient les cendres, rejetaient les braises, tirant de temps à autre avec un petit bâton les savoureux tubercules et les tâtant du bout des doigts. Ils se brûlaient et secouaient les mains, soufflaient sur leurs ongles, puis rechargeaient le feu continuellement. Pendant ce temps, le Braque, Tintin, Grand Gibus et la Crique, après avoir calculé le nombre de pommes et de morceaux de sucre auxquels chacun aurait droit, s'occupaient à un équitable partage des tablettes de chocolat, des petits bonbons et des bouts de réglisse. Une grosse émotion les étreignit en ouvrant la boîte de sardines. Serait-ce des petites ou des grosses? Pourrait-on répartir également le contenu entre tous? Avec la pointe de son couteau, détournant celle du dessus, la Crique compta. « 8, 9, 10, 11, 11 !» répéta-t-il. « Voyons, 3 fois 11, 33. 4 fois 11, 44. Merde, bon juice, nous sommes 45. Il y en a un qui s'en passera. » Tigibus, à croupetons devant son brasier, entendit cette exclamation sinistre et d'un geste et d'un mot, trancha la difficulté et résolut le problème. « Ce sera moi qui n'en aurai point, si vous voulez !» s'écria-t-il. « Vous me donnerez la boîte avec l'huile pour la relécher, j'aime autant ça. Est-ce que ça ira ?» Si ça irait, c'était même épatant. « Je crois bien que les pommes de terre sont cuites !» émit Camus, repoussant vers le fond, avec une fourche en coudre plus qu'à moitié brûlée, le brasier rougeoyant, afin d'avindre son butin. « À table alors !» rugit le Braque, et se portant à l'entrée. « Eh ben, la coterie, on n'entend rien ? À table qu'on vous dit ! Amenez-vous ! Y a plus d'amour, quoi, y a plus moyen ! Faut-il aller chercher la bannière ?» Et l'on se massa dans la cabane. « Que chacun s'asseye à sa place !» ordonna le chef. « On va partager. Les patates d'abord, faut commencer par quelque chose de chaud, c'est mieux, c'est plus chic, c'est comme ça qu'on fait dans les grands dîners. » Et les 40 gaillards, alignés sur leurs sièges, les jambes serrées, les genoux à angle droit comme des statues égyptiennes, le quignon de pain au poing, attendirent la distribution. Elle se fit dans un religieux silence. Les derniers servis lorgnaient les boules grises dans la chair d'une blancheur mate, fumées en épandant un bon parfum sain et vigoureux qui aiguisait les appétits. On éventrait la croûte, on mordait à même, on se brûlait, on se retirait vivement, et la pomme de terre roulait quelquefois sur les genoux où une main leste la rattrapait à temps. C'était si bon. Et l'on riait, et l'on se regardait, et une contagion de joie les secouait tous, et les langues commençaient à se délier. De temps en temps, on allait boire à l'arrosoir. Le buveur ajustait sa bouche comme un suçoir, au goulot de fer blanc, aspirait un bon coup, et la bouche pleine et les joues gonflées, avalait toute hoquetant sa gorgée ou recrachait l'eau en gerbe en éclatant de rire sous les lazis des camarades. « Boira, boira pas, par ici, par icni !» C'était le tour des sardines. La Crique, religieusement, avait partagé chaque poisson en quatre. Il avait opéré avec tout le soin et la précision désirable afin que les fractions ne s'émiettassent point et il s'occupait à remettre à chacun la part qui lui revenait. Délicatement, avec le couteau, il prenait dans la boîte que portait Tintin et mettait sur le pain de chacun la portion légale. Il avait l'air d'un prêtre faisant communier les fidèles. Pas un ne toucha à son morceau avant que tous ne fussent servis. Tigibus, comme il était convenu, eut la boîte avec l'huile ainsi que quelques petits bouts de peau qui nageaient dedans. Il n'y en avait pas gros, mais c'était du bon. Il fallait en jouir. Et tous flairaient, reniflaient, palpaient, léchaient le morceau qu'ils avaient sur leur pain, se félicitant de l'aubaine, se réjouissant au plaisir qu'ils allaient prendre à le mastiquer, s'attristant à penser que cela durerait si peu de temps. Un coup d'engouloir et tout serait fini. Pas un ne se décidait à attaquer franchement. C'était si minime. Il fallait jouir, jouir, et l'on jouissait par les yeux, par les mains, par le bout de la langue, par le nez surtout, jusqu'au moment où Tigibus, qui pompait, torchait, épongeait son reste de sauce avec de la mie de pain fraîche, leur demanda ironiquement s'ils voulaient faire des reliques de leur poisson. Qu'ils n'avaient dans ce cas qu'à porter leurs morceaux au curé pour qu'il pût les joindre aux os de lapin qu'ils faisaient baiser aux vieilles gribiches en leur disant « passe tes cornes ». Et l'on mangea lentement, sans pain, par petites portions égales, épuisant le suc, pompant par chaque papille, arrêtant au passage le morceau délayé, noyé, submergé dans un flux de salive pour le ramener encore sous la langue, le remastiquer à nouveau et ne le laisser filer, enfin, qu'à regret. Et cela finit ainsi religieusement. Ensuite, Guerrouillas confessa qu'en effet c'était rudement bon, mais il n'y en avait guère. Les bonbons étaient pour le dessert et la réglisse pour ronger en s'en retournant. Restaient les pommes et le chocolat. « Oui, mais va-t-on pas boire bientôt ?» réclama Boulot. « Il y a l'arrosoir !» répondit Grand Gibus, facétieux. « Tout à l'heure !» régla le Braque. « Le vin et l'agneau, c'est pour la fin, pour le cigare. Au chocolat maintenant !» Chacun eut sa part, les uns en deux morceaux, les autres en un seul. C'était le plat de résistance, on le mangea avec le pain. Toutefois, quelques-uns, des raffinés sans doute, préférèrent manger leur pain sec d'abord et le chocolat ensuite. Les dents croquées et mastiquées, les yeux pétillés. La flamme du foyer, ravivée par une brassée de brande, enluminait les joues et rougissait les lèvres. On parlait des batailles passées, des combats futurs, des conquêtes prochaines, et les bras commençaient à s'agiter et les pieds se trémousser et les torses se tortiller. C'était l'heure des pommes et du vin. « On boira chacun à son tour dans la petite casserole, » proposa Camus. Mais la crique, dédaigneusement, répliqua. « Pas du tout, chacun aura son verre !» Une telle affirmation bouleversa les convives. « Des verres ? T'as des verres ! Chacun son verre, t'es pas fou la crique ? Comment ça ?»« Ha ha !» ricana le compère. « Voilà ce que c'est que d'être malin ! Et ces pommes pour qui que vous les prenez ?» Personne ne voyait où la crique voulait en venir. « T'as de gourdes ? » reprit-il. Sans respect pour la société. Prenez vos couteaux et faites comme moi. Ce disant, l'inventeur, le stache à la main, creusa immédiatement dans les chairs rebondies d'une belle pomme rouge un trou qu'il évida avec soin, transformant en coupe originale le beau fruit qu'il avait entaillé. C'est vrai tout de même, sacré la crique, c'est épatant, s'exclama le braque. Et immédiatement il fit faire la distribution des pommes. Chacun se mit à la taille de son gobelet, tandis que la crique, loquace et triomphant, expliquer. Quand j'allais au champ et que j'avais soif, je creusais une grosse pomme et je trayais une vache et voilà, je m'enfilais comme ça mon petit bol de lait chaud d'eau. Chacun ayant confectionné son gobelet, Grand Gibus et Lebrac débouchèrent les litres de vin. Ils se partagèrent les convives. Le litre de Grand Gibus, plus grand que l'autre, devait contenter 23 guerriers, celui de son chef, 22. Les verres, heureusement, étaient petits et le partage fut équitable, du moins il faut le croire, car il ne donna lieu à aucune récrimination. Quand chacun fut servi, le braque, levant sa pomme pleine, formula le toast d'usage, simple et bref. « Et maintenant, à la nôtre, mes vieux, et à cul les vélerans. À la tienne, à la nôtre. Vive nous, vive les Longevernes !» On choqua les pommes, on brandit les coupes, on beugla des injures aux ennemis, on exalta le courage, la force, l'héroïsme de Longevernes, et on but, on lécha, on suça la pomme jusqu'au tréfonds des chairs. « Si on en poussait une maintenant ?» proposa Tigibus. « Allez Camus, ta chanson !» Camus entonna. Rien n'est si beau qu'un artilleur sur un chameau. « C'est pas assez long, c'est dommage, elle est belle. Alors on va tous chanter ensemble auprès de ma blonde. Tout le monde la sait. Allons-y, une, deux. » Et toutes les voix juvéniles lancèrent à plein poumon la vieille chanson. Au jardin de mon père, les lauriers sont fleuris. Au jardin de mon père, les lauriers sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent faire leur nid. Oui! Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent faire leur nid. Tous les oiseaux du monde viennent faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et la blanche colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Et la blanche colombe qui chante jour et nuit. Et la blanche colombe qui chante jour et nuit. Qui chante pour les belles qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Quand on eut fini celle-là, on en voulut recommencer une autre, et ce fut Tintin qui entonna. Petit tambour, s'en revenant de guerre, petit tambour, s'en revenant de guerre, et rire en rampant en plan. Mais on la lâcha en cours de route, car maintenant qu'on avait bu, il fallait autre chose, quelque chose de mieux. Allez Camus, dis-nous Madeleine s'en fut à Rome. Oh, je sais bien que deux morceaux de deux couplets, c'est pas la peine. Personne ne la sait. Quand les conscrits voient qu'on approche pour écouter, ils s'arrêtent et ils nous disent de foutre le camp. C'est parce que c'est rigolo. Non, je crois que c'est parce que c'est des cochoncetés. Il y a un sacré truc, mais je sais pas ce que c'est. Où ce qu'on y fourre la madeleine, l'institut et le Pathéon, un régiment d'infanterie, la baïonnette au canon, et encore un tas d'autres fourbis que je peux pas me raviser. Plus tard, quand on sera conscrit, on le saura, nous aussi, va. Affirma Tigibus, pour exhorter ses camarades à la patience. On essaya alors de se rappeler la chanson de Desbiès quand il est saoul. Soupe à l'oignon, bouillon démocratique. On écorcha encore tant bien que mal le refrain de Quinquin le braconnier. Car le paradis l'aïri, car le paradis l'aïri, car le paradis aux ivrognes est promis. Puis de guerre lasse, l'ensemble manquant, il y eut un court silence étonné. Alors, Boulot, pour le rompre, proposa. Si on faisait des tours? Faire voir le diable dans une manche de veste? Si on jouait à pigeon vol? Reprit un autre. Penses-tu, un jeu de gamine ça, pourquoi pas sauter à la corde? Et notre goutte, nom de Dieu? Rugit le braque. Et le cigare? Beugla Camus.